Amis du rock, bonjour, bienvenue sur les ondes de RQC pour un nouveau numéro de Living in the Past. Jean-Marie et Henri aujourd'hui en votre compagnie jusque midi. Nous espérons que tout se passe à merveille pour vous. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien profitez-en bien. Pour ceux qui malheureusement ont repris aujourd'hui le collier du travail, eh bien bon courage. Nous avons débuté cette nouvelle émission de la meilleure des manières avec Boston et Amanda. Et après un week-end bien chargé, fête nationale oblige, même si aujourd'hui il fait un peu tristouné et frais, nous allons ensemble chauffer l'ambiance avec une programmation top. Au programme aujourd'hui, à côté de nos rubriques habituelles, l'évocation du 30e anniversaire de la sortie de l'album de U2's Joshua Tree, je vous l'avais annoncé lors de missions précédentes. Il y aura aussi une séquence consacrée aux frasques du regretté batteur des Who, Keith Moon. Mais trêve de bavardage, on va débuter sans tarder et ouvrir notre grand livre des souvenirs à la page 24 juillet. Et que voyons-nous ? Le 24 juillet 1967, les quatre Beatles et leur manager Brian Epstein signent une pétition dans le très respectable Times dans le but de demander la légalisation de la marijuana. Il fallait oser. Et le 24 juillet 1980, l'acteur Peter Sellers décède d'une crise cardiaque. On le connaît notamment pour son rôle dans la série des films La Panthère Rose, vous en souvenez probablement. Mais il a aussi sorti quelques albums de reprises dans un genre, dans un genre un peu loufoque, avec notamment la reprise de She Loves You des Beatles par Peter Sellers. Mais on débute avec les Beatles, She Loves, All You Need Is Love. Sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. All you need is love. Ah, que de souvenirs avec les Fab Four, les Beatles. On a commencé avec All You Need Is Love et il se fait que cela fait exactement 50 ans que ce titre a été enregistré et il a notamment servi. Il a été le premier morceau à être diffusé en Mondovision en 1967 donc. Et c'est aussi un morceau qui est le symbole de ce qu'on a appelé par la suite Summer of Love, un peu toute la période hippie. À ce sujet, mais on en parle beaucoup pour l'instant, mais je ferai peut-être une petite rubrique prochainement sur ce Summer of Love. Place maintenant au 24 juillet 1974, et ça vous rappellera sûrement d'énormes souvenirs. George McRae était numéro 1 des singles en Angleterre avec Rock Your Baby, un morceau qui est considéré par certains comme le premier tube de l'ère disco. Allez tous sur le dance floor! Ah, que de souvenirs pour les plus anciens en tous les cas. George McRae, Rock Your Baby, le gros succès de l'été 1974. Et deux ans plus tard, le 24 juillet 1976, toujours à la première place des hit parades, cette fois c'est Elton John qui est numéro un avec Don't Go Breaking My Heart en duo avec une certaine Kiki Day, une chanson écrite par Elton sous le pseudo Ann Orson et carte blanche. Never 20 à l'antenne d'RQC. You take the weight off of me. Oh, honey, when you're not. Un peu de disco sur les ondes d'RQC, ça fait de mal à personne, même si c'est pas ce qu'on programme habituellement non plus dans cette émission. Retour maintenant à une ambiance un peu plus rock. Et on fait un petit bond dans le temps. Le 24 juillet 1997, la police qui réprimande Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, qui venait d'avoir une altercation avec un cycliste dans une rue de Londres. En fait, il avait attrapé ce cycliste à travers la fenêtre de sa voiture et lui avait tout simplement cassé ses lunettes. Voici « Do You Know What I Mean », extrait de l'album « Be Here Now » de 1997, Oasis. I'm Nous étions en pleine ambiance Britpop avec Oasis et Do You Know What I Mean, est-ce que tu sais ce que je pense, eh bien, c'est bien connu. Liam Gallagher est vraiment un mauvais garçon, mais il a tellement de talent. Alors, place maintenant à la célébration d'anniversaire. Bon anniversaire tout d'abord à Jim Armstrong, un des très nombreux musiciens ayant fait partie du groupe Zem, né en 1944 à Belfast. Bon anniversaire également à Gary Cherone, né en 1961 à Malden dans le Massachusetts, qui a remplacé Sammy Hagar entre 96 et 99 comme chanteur de Van Halen, mais c'est surtout comme chanteur du groupe Extreme que nous le connaissons. Où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. I tell you about now, baby. You know she comes around. Just about 5 feet four. I'm from my head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. Hell. Whoa. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then she come to my room. Let's make her feel alright. We'll be right back. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't C'est avec ce morceau du groupe Extrême, superbe morceau, More Than Words, que nous avons clôturé notre séquence anniversaire du jour. Place maintenant à l'évocation d'un célèbre album du groupe U2, The Joshua Tree, paru, sorti en 1987. On fête donc le 30e anniversaire de sa sortie. Et oui, The Joshua Tree s'est écoulé à quelques 25 millions d'exemplaires. Oui, il occupera le haut des charts dans 23 pays. Et encore oui, c'est à partir de cet instant que U2 deviendra un pilier dans l'histoire du rock, faisant la couverture du Time Magazine comme peu d'autres groupes ou artistes l'ont fait avant lui. Il y a eu notamment les Beatles de mémoire, The Who, The Band. Mais leur musique avait-elle pour autant perdu en qualité ce qu'elle gagnait en renommée? Assurément non. U2 est alors un groupe qui vend car il fait de l'excellente musique, que n'en déplaise à ses détracteurs. Toujours autant intéressé par l'atmosphère de création d'un disque que par le résultat final, U2 cherche pour ce nouvel album une approche cinématique unique. Bono explique « Beaucoup de chansons choisies ont été enregistrées dans la chambre d'amis de Rary ou dans le salon d'Adam ». Ça aurait pu partir dans beaucoup de directions différentes. Nous voulions atteindre l'objectif d'un enregistrement monolithique, pas de truc face A, face B. Le résultat, The Joshua Tree, paraît en 1987 et Daniel Lanoy et Brian Eno sont toujours à la production pour l'album le plus marquant de la carrière du groupe. Les trois simples extraits de l'album sont splendides. Where the streets have no name, With or without you, and I still haven't found what I'm looking for. Et les deux derniers atteindront d'ailleurs la première place des ventes aux États-Unis. Le groupe obtient cette même année ses deux premiers Grammy Awards, récompensant le meilleur album ainsi que celui de la meilleure performance pour un groupe. Le Time place le groupe en couverture en avril 1987 en sous-titrant « Rock's Hottest Ticket », que l'on pourrait librement traduire en « Les meilleurs représentants du rock ». L'album The Joshua Tree fête aujourd'hui son 30e anniversaire, l'occasion pour nous de nous pencher sur la création de ce grand album de U2 et de sa prochaine tournée Revival qui passera à Bruxelles le 1er août prochain. Living in the Past, l'album du jour. Voici, I still haven't found what I'm looking for. Oh, Voilà, nous étions en compagnie de U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, le premier tube de ce célébrissime album de U2. Après avoir essentiellement travaillé au studio Windmill Lane Studio de Dublin et au château Slane que Bono jugeait trop austère pour The Unforgettable Fire, l'album précédent, U2 s'installe alors dans une magnifique maison de Dinsmoat située dans la campagne non loin de Dublin, et qui deviendra ensuite une des propriétés du bassiste Adam Clayton. Daniel Lannoy, le coproducteur de l'album avec Brian Eno, se souviendra de l'extrême confort que l'on pouvait retrouver sur place. Il disait notamment « C'était vraiment très chouette comme configuration, il y avait ce grand salon, cette salle de dessin, quel que soit le nom qu'on puisse lui donner, c'était une grande salle rectangulaire avec un grand plafond et du plancher en bois. C'était bruyant, mais bruyant dans le bon sens, très dense, très musical. À mon sens, c'était la salle la plus rock'n'roll du coin. Le château Slane était une idée amusante et tout, mais c'était un endroit énorme. Dinsmoat sonnait mieux que le château. C'était le meilleur endroit pour toutes les expériences et pourtant nous avions déjà testé de très nombreux endroits auparavant. Ce qui impressionne particulièrement Lannoy, c'est le rendu acoustique dans le bas médium présent dans ce salon. Et c'est dans le bas médium que vit la musique. Selon moi, The Joshua Tree est un album génial de rock'n'roll, en partie grâce à la beauté de ce bas médium que l'on retrouvait naturellement dans la pièce. Voici A Red Hill Meaning. From father to son, the blood runs thin. Against the wind, the seam is split, the cold face cracked, the lines are long, there's no going back. Two hands of steel and heart of stone. Scorch the earth, set fire to the sky. we stoop so low to reach so high. A link is lost, a chain undone. We wait all day for night to come, and it comes like a hunted child. Red Hill Meaning Town, U2 sur l'album Joshua Tree de 1987. Avant de poursuivre la rubrique, je tiens tout d'abord à remercier notre fidèle auditeur Roland Daluin en France, qui nous a fait un petit coucou et qui a notamment donné des nouvelles d'un autre auditeur fidèle qui malheureusement pour l'instant a quelques soucis de santé. Merci à lui. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler que vous pouvez toujours nous appeler sur le numéro de la station que je vous donnerai tout à l'heure. Si vous avez aussi quelques suggestions au niveau de la programmation, n'hésitez pas non plus, toutes les idées sont bonnes. Poursuivons maintenant l'évocation de la sortie de ce fabuleux album de U2's Joshua Tree, pour dire que si Brian Eno et Daniel Lanois, les coproducteurs de l'album, vont utiliser une méthode tout à fait particulière, novatrice et intéressante, plutôt que d'être ensemble en studio, ils vont se diviser le travail. Ainsi, Lanois et Eno alterneront les sessions. L'un restera une ou deux semaines avec le groupe, puis laissera place à l'autre qui en fera de même. Et si l'ambiance est très professionnelle en studio et que le groupe veut donner le meilleur de lui-même, l'ambiance reste cependant très détendue et agréable. Voici In God's Country. The rivers In God's Country, U2, extrait toujours de l'album The Joshua Tree que nous revisitons ce matin. Et Daniel Lannoy, toujours, observera pour, lors de l'enregistrement et de la création de cet album, observera une réelle évolution dans le jeu des membres de U2. Il dira d'ailleurs à ce sujet, l'enregistrement de The Joshua Tree montre un groupe parfaitement en place et avec une totale maîtrise de son art sur The Unforgettable Fire, l'album précédent. C'était encore de jeunes musiciens, mais à partir de Joshua Tree, ils sont devenus de meilleurs musiciens avec plus de connaissances. Je pouvais parler avec The Edge à un autre niveau, je ne veux pas me vanter, mais vous savez, The Edge, c'était le mec qui avait été à l'école alors que les autres avaient appris à jouer dans la rue. Et Lannoy constatera aussi que les musiciens n'ont pas évolué qu'au niveau artistique. Leur vie semblait aussi un peu plus établie et ils avaient tous gagné en maturité. One Tree Hill. Thank you. One Tree Hill. Et on poursuit maintenant avec un autre titre phare de l'album Running to Stand Still. Et ce morceau évoque l'addiction à l'héroïne et s'impose ici comme une sorte de suite à un autre titre baptisé Bed, qui traitait du même sujet et qui était sorti 3 ans plus tôt sur l'album précédent The Unforgettable Fire. Ici, dans le son et l'ambiance, U2 se montre très influencé par Lou Reed, notamment pour par son classique Walk on the White Side. Et U2 ne cachera d'ailleurs jamais son admiration sans limite pour l'œuvre de l'ex Velvet Underground. On notera également que la disparition tragique en 1986 de leur compatriote irlandais Phil Lynott, bassiste et chanteur et leader incontesté de Thin Lizzy, sera une source d'inspiration pour U2 dans ce titre. RQC par téléphone au 056 34 07 83 et depuis la France au 00 32 56 34 07 83. Sonorité des années 80 ce matin sur l'antenne d'RQC avec l'évocation de la sortie de l'album The Joshua Tree de U2. C'était Running Stone to Stand Still. Et on va poursuivre avec un autre titre phare de l'album Where the Streets Have No Name. Un super tube, un carton, qui a fait un carton à l'époque. Et Where the Streets Have No Name a été le titre le plus difficile pourtant à enregistrer lors des sessions de The Joshua Tree et va donner pas mal de fil à retordre au producteur Brian Eno. L'histoire raconte, pourtant il en existe plusieurs versions, mais bon, qu'après des semaines d'enregistrement consacrées à ce seul morceau, Brian Eno aurait tenté de simuler un accident sur la bande enregistrée, et ce afin de forcer le groupe à recommencer le travail à zéro. Interviewé en 1987 par Propaganda, le magazine officiel des fans de U2, Bono expliquera que le titre fait notamment référence à la situation sociale de Belfast à cette époque. On m'a raconté un jour une histoire intéressante sur Belfast, dira-t-il. Si on connaît le nom de la rue dans laquelle quelqu'un habite, on peut non seulement dire de quelle religion il est, mais également comment il gagne sa vie. Tout cela en regardant de quel côté de la route il vit. Parce que plus on est placé haut sur la vallée, plus chères sont les maisons. Vous pouvez donc pratiquement savoir combien gagnent les gens en ayant juste le nom de la rue, où ils habitent et de quel côté de la rue ils logent. Ça m'a véritablement interpellé et alors je me suis mis à écrire une chanson à propos d'un endroit où les rues n'auraient pas de nom. Et pour assurer la promotion de ce titre, U2 et le réalisateur irlandais Meyert Heavis tourneront un clip ambitieux dans lequel on retrouvera le groupe en concert sur le toit d'un immeuble de Los Angeles avec la foule amassée en dessous et des policiers essayant de réguler le trafic. Un hommage au clip de Get Back des Beatles dans lequel ces derniers jouent sur les toits de leur propre société Apple Records. Heures et quart sur les ondes d'RQC. Thank you. Un autre titre parmi les plus célèbres de cet album est sans conteste le grand classique With or Without You. Et sur celui-ci, le guitariste The Edge utilise une nouvelle technique de guitare intitulée The Infinite Guitar. Une technique inventée par Michael Brook, musicien avec qui The Edge avait travaillé pour la réalisation de la bande originale du film The Captive. Et d'après Bono, With or Without You aurait été très inspiré par l'écoute attentive de l'album Climate of Hunter de Scott Walker. With or Without You sera également le premier numéro 1 US pour U2. Il remportera aussi le prix du meilleur single de l'année 1987 par le Rolling Stone Magazine, ainsi que le prix du meilleur titre d'après les téléspectateurs d'MTV. With or Without You, You Choose, Joshua Tree. Et nous allons refermer cette séquence avec le morceau qui clôture d'ailleurs l'album, Mothers of the Disappeared. Et cette conclusion d'album, ce morceau est à traiter à part, et peut-être même à écouter à part, si vous en avez la possibilité. Car en fait, d'une conclusion, c'est un générique de fin aux airs, de nouvelles envies d'ailleurs, de nouvelles expérimentations. C'est le titre sur lequel on sent le plus l'emprise de Brian Eno. C'est un morceau atmosphérique et expérimental sur lequel il multiplie les arrangements ou les petites perles sonores sur fond d'une batterie complètement transformée qui se voit dotée d'un son électronique intrigant, intéressant. La voix de Bono se fait alors velours, accompagnée de chœurs lyriques discrets et d'une surmultiplication de cordes légères. C'est pas bien dit, ça ? Thank you. tu sais, ta musique, tes sensations, ta génération. Bonne écoute sur RQC. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Talking about my generation. À des années 80 avec U2, on est reparti dans les années 60 avec The Who. Et aujourd'hui, je me propose de vous narrer quelques-unes des frasques incroyables commises par le batteur des Who, l'incontrôlable Keith Moon. Et les Who font partie, vous le savez bien, de ces groupes anglais révélés dans le courant des années 60 et qui ont changé la face du rock dans la foulée des Beatles et des Rolling Stones. D'emblée, ils se sont fait connaître pour leur violence sur scène. Chaque soir, Pete Townshend pulvérisait sa guitare et crevait ses amplis. Le chanteur Roger Daltrey explosait son micro sur les cymbales du batteur et ce dernier, le fameux Keith Moon, envoyait dans le public que ce fut cet homme et ses relations. Keith Moon avait un regard de pur cinglé. Mais alors, du genre attendrissant, comme un gamin qui adore faire de grosses bêtises, mais qui s'amuse tellement qu'on n'a pas envie de le gronder. L'une de ses passions, outre celle de démolir à coups de hache les meubles des chambres d'hôtel dans lesquelles le groupe descendait, consistait à balancer des pétards, des fumigènes et autres explosifs dans les cuvettes des WC. Et boum ! Précédés par leur réputation, les Who faisaient trembler les patrons des hôtels où ils descendaient et ils leur demandaient une caution avant de leur donner les clés de leur chambre. since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a sufferer. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, and I just handed my pinball crown to him. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Après My Generation, vous aurez reconnu sans peine cet extrait de l'opéra rock Tommy de 1969. Il s'agissait de Pinball Wizard. Et pour en revenir au Who, sur scène, on a rarement vu un batteur aussi énergique que Keith Moon. C'est bien simple, en revoyant les images des Who de la grande époque, on a l'impression qu'il joue en permanence un solo tout en assumant le tempo. Mais sa consommation effrénée de drogue et d'alcool l'a rapidement transformé en danger public. Un jour, sur un plateau de TV, il a mal dosé les pétards et fumigènes placés autour de sa batterie et quand ça a pété, il a failli se tuer, tandis que Pete Townshend se prenant tout dans l'oreille droite en lui explosant définitivement le tympan. Voici Who Are You de l'album Who Are You. Ooh. Who Are You de 1978 sur l'album du même nom. Et les frasques du batteur des Who ont largement contribué à la légende du groupe anglais, autant que leurs chansons qui ont servi ces dernières années de générique pour des séries des experts Las Vegas, les experts Manhattan et les experts Miami. Living in the past. Mad in rap. Bergain, extrait de l'album de 1971, Who's Next. Et pour en revenir à notre ami Case Moon, il est une fête d'après-concert qui dépassa toutes les autres. Elle eut lieu dans un hôtel de la chaîne Holiday Inn à Flint, dans le Michigan, le 23 août 1967, pour être tout à fait précis. Et ce soir-là, Case Moon célébrait alors son 21e anniversaire, et en son honneur, les fabricants de sa batterie avaient eu la bonne idée de faire livrer une pièce montée, un gâteau, un énorme gâteau en forme de batterie, justement. Et ça, ils auraient pas dû. Voici Baba O'Reilly, toujours extrait de cet album splendide Who's Next de 1971. Teenage wasteland, oh yeah. Teenage Ah, fabuleux les vous avec Baba O'Reilly, extrait de l'album Who's Next de 1971. Et replongeons-nous le 23 août 1967. Imaginez, nous sommes dans la salle de banquet de l'hôtel Holiday Inn à Flint, Michigan. Et une quarantaine d'invités, un gâteau géant, de la musique à fond, un batteur sur orbite et un patron d'hôtel qui se pointe à minuit pour que cesse le bruit. Et ça non plus, il n'aurait pas dû. À partir de là, les témoignages divergent, mais se rejoignent sur un point. La fête a totalement dégénéré. Et le patron de l'hôtel et des policiers arrivèrent en force, seraient pris des parts de gâteau sur le nez. Puis la bagarre se serait poursuivie dans les couloirs de l'hôtel et au bord de la piscine, tandis que les Who vidaient les extincteurs sur les voitures qui se trouvaient sur le parking. On raconte même que Keith Moon serait monté à bord d'une de ces limousines et l'aurait précipité au fond de la dite piscine. Et ce soir-là, l'infortuné patron de l'hôtel a dû se dire « On ne m'y reprendra plus », en anglais « I won't get fooled again ». Thank you. Vous aurez reconnu sans peine Won't Get Fooled Again, qui sert notamment de générique à la série Les Experts. Avec ce morceau, nous avons clôturé cette courte évocation du génial batteur des Who, Keith Moon, qui est né le 23 août 1946, et qui malheureusement nous a quitté le 7 septembre 78 suite à une surdose de médicaments à l'âge de 32 ans. Il fut donc le batteur de ce fameux groupe de rock britannique Les Who, et sa façon exubérante et innovante de jouer de la batterie ainsi que son comportement excentrique et autodestructeur lui valurent sa renommée et le surnom de Moon the Loon, Moon le Dingue. Et pour suivre au rayon des concerts et festivals, j'ai pointé aujourd'hui le mini-festival baptisé Punks Not Dead, qui se déroulera le soir du 29 juillet, du samedi 29 juillet, donc c'est dans quelques jours, au centre René Magritte de Lessines. Les organisateurs nous proposent une affiche assez intéressante, jugée par vous-même. En ouverture, il y aura The Bollock Brothers, suivi des Buzzocks, et comme plat de résistance, les Strangers en personne. Histoire de vous mettre l'eau à la bouche, on va de suite se mettre dans l'ambiance en écoutant un extrait de ces trois célèbres formations. This is called Faith Healer. Do you know the song? Of course you do. It was played in every discotheque in church. Dedicated to the sensational Alex Harvey band from Glasgow. Thank you. to what the doctor says. The hero might will sail away. Immortality for two. Miracles he can do. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Les Stranglers, Get a Grip. Et donc, si vous êtes fan de punk music, rendez-vous tous à Lessines ce 29 juillet. Passons maintenant à l'actualité discographique, les sorties et les rééditions, et on peut remarquez que l'actualité est vie au ralenti, vacances oblige. J'ai quand même pointé une réédition d'un album célèbre de Marillion qui était sorti en 1980 et qui est un des disques marquants, les plus marquants du rock progressif des années 80 précisément. Il s'agissait de l'album Misplaced Child Out. Quant à Kenny Wayne Shepherd, il nous propose, lui, un nouvel album blues rock intitulé Lay It Down. Et nous retrouvons tout d'abord Kenny Wayne Shepherd avec Blue on Black et une compo de 1997 qui figurait sur l'album Trouble Is. Et ensuite, ce sera le tour de Marillion avec précisément Kaylay et Lavender, deux des extraits les plus significatifs de cet album, Misplaced Child Out, qui ressort donc cet été et je vous en propose ici une version enregistrée en public. Whisper on a scream doesn't change a thing. Don't bit of understanding. Nicotine smears long, long dry tears, invisible tears. A pseudo-silk kimono, a morning mare rides in the starless shutter of my eyes. The spirit of a misplaced childhood is rising to speak his mind to this orphan of heartbreak, disillusioned and scarred, a refugee. Refugees safe in the sanctuary. I'm sorry, but Katie, I'm too scared to pay. The sprinkler's whisper shimmer in the haze of summer logs. Then I heard the children sing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one who wanted to write for you. C'était donc Marillion avec un large extrait de l'album de 1980, Misplaced Child Out. Il est à l'horloge d'RQC, il est midi 41 minutes exactement. Et j'espère que vous passez toujours un excellent moment en notre compagnie. Il va malheureusement bientôt falloir se quitter. Mais en attendant, on va quand même poursuivre notre programmation en musique. On va redescendre tout d'abord dans les années 70 avec notre ami Steve Miller et son band. Un extrait de Book of Dreams de 1977. Et cet extrait s'intitule Swingtown. Et à propos de cet album Book of Dreams, sorti en mai 1977, mais enregistré en même temps que Fly Like an Eagle en 1976, on se souviendra qu'il marque un tournant fondamental dans la carrière du Joker, amorcé déjà dans l'album du même nom. En effet, après une première partie de carrière consacrée au blues psychédélique, qui fleurissait à l'époque sur les collines de San Francisco, le gamin de Chicago qui a baigné toute sa jeunesse dans la musique de Muddy Waters, Howling Wolf et Buddy Guy a décidé de changer radicalement de direction. Steve Miller nous propose alors un blues rock plus mélodique qui jettera les bases de ce qui allait devenir le rock FM. Car Steve a un don pour écrire des mélodies qui accrochent, et même McCartney lui demandera d'ailleurs à plusieurs reprises un coup de main.

She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. Born a high forever to fly. A wind of a velocity nil. Born a high forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. Sudden grace. Electrical banana. It's bound to be the very next phase. They call it Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. C'était Donovan, Mellow Yellow, et deux ans après le début de sa carrière en 1965, elle est déjà loin l'étiquette de sous Bob Dylan qui collait à la peau de Donovan. Fini le picking solitaire à la guitare, bienvenue aux arrangements somptueux et baroques. En deux ans, il en a fait du chemin, le jeune écossais, il est simplement passé du folk au flower power. Fin 1966, une chanson au titre mystérieux, Mellow Yellow, déboulait sur les chaînes radio et le succès fut immédiat, plus grand encore que Sunshine Superman, sorti quelques mois plus tôt. Mellow Yellow, mellow, ça veut dire quelque chose comme moelleux, doux, relax, cool. Ajoutez-y un autre adjectif très ressemblant, yellow, et vous obtenez littéralement cool, jaune. Ouais, ça sonne bien. En français populaire, on dirait plutôt relax max ou à l'aise blaise, avec les rimes et tout ça. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce charabien qui a soulevé de grands points d'interrogation, même au-dessus des têtes anglophones? Dans une interview accordée à New York Magazine en 2011, Donovan lâchait le morceau. « Ça parle de plusieurs choses, nous dira-t-il. Être cool, mellow, décontracté. On m'appelle Mellow Yellow. Je suis le mec qui peut te calmer et qui peut te détendre. Lennon et moi, on avait l'habitude de lire les petits articles de la Xème page des journaux. On sortait des trucs rigolos qui finissaient souvent dans des chansons. Mellow Yellow, ça parle donc de cet état de coolitude et bien sûr des bananes électriques qu'on commençait à voir un peu partout, soit les vibromasseurs pour femmes. Je ne sais pas ce qu'ils prenaient à l'époque, mais je veux la même chose. » on poursuit avec les Animals, bring it home to me. If you ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me. Bring your sweet love in. Bring it on home to me. You know I laughed when you left, but now I know I've only hurt myself. Oh, bring it to me. Bring your sweet love in. Bring it on home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll give you jewelry, money too. I've had my share. taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Let's go. Nous avons clôturé cette émission avec le groupe Queen et deux titres extraits de l'album de 1977, News of the World, We Will Rock You and We Are the Champions. Et pour appréhender cet album, il convient de se pencher sur la couleur musicale de son époque 1977. En Angleterre, alors, le punk s'impose, les jeunes désœuvrés s'y adonnent avec plaisir, transportés par le credo des Sex Pistols, Anarchy in UK. Les vieux groupes de hard rock étaient montrés du doigt, stigmatisés pour leur côté pompeux et leurs longs passages instrumentaux. Un art consommé du solo qui frisait le ridicule et qui devenait une injure dans la bouche des kids. Effectivement, avec le punk qui prenait la vitesse d'exécution, l'efficacité brute avant tout, les pionniers du métal ne faisaient plus le poids. Alors que penser de Queen qui poussait le genre dans des extrémités glamouses dont il fallait absolument se débarrasser comme de vieilles idoles d'un culte païen révolu? Un cas difficile, assurément. Et pourtant, le groupe s'en sortira sans y laisser de plumes. Mieux, il se permettra de régler ses comptes avec le mouvement punk en proposant des morceaux qui seront marquants sur cet album News of the World de 1977 et dont ce We Will Rock You et son minimalisme complet avec ses bidons, ses claquements de mains, son solo final et ses vocaux qui sont étonnants pour l'époque, forceront même le respect des punks. Et plus tard, d'ailleurs, des rappeurs avoueront même que la façon de chanter de Freddie Mercury sur ce morceau aura été un véritable détonateur. Un chef-d'œuvre, quoi. Et voilà, il est midi passé. Je vous souhaite une bonne quinzaine. Nous nous retrouverons normalement sans faute le lundi 7 août, 9h, 12h, comme d'habitude. Et nous allons maintenant nous quitter en vous souhaitant le meilleur pour vous tous. Et merci de votre présence tout au long de cette émission. Un grand merci aussi à Henri qui a assuré toute la partie technique. Il va vous faire un petit coucou. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt et vous souhaite de bonnes vacances. Living in the Past. Le meilleur du classique.